Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans Mosaïque. Aujourd'hui, Mosaïque se focalise sur le 31e anniversaire de la mort de l'ancien président Nadia Mira en 1994 à Kanombe, au Rwanda, dans un crash d'avion dont les autres appellent attentat contre l'avion. Le 6 avril 1994, Cyprien Nadia Mira participe aux accords de paix d'Arusha en Tanzanie, où il tente de mettre en terme à la guerre civile burundaise ayant débuté l'année précédente à la suite de l'assassinat de Melchior Ndadaye durant un coup d'État. Son avion était en maintenance, comme certaines sources le disent. Il se voit proposé par le président rwandais Juvenal Habyarimana d'embarquer dans l'avion présidentiel rwandais pour rentrer à Kigali, puis vers le Burundi. C'est ainsi, de manière inopportune, que Cyprien Nadia Mira a péri dans l'événement initial du génocide des Tutsis au Rwanda, l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. La piste d'un attentat dont il aurait été la cible réelle a été étudiée, mais n'a pas été jugée crédible en raison du concours de circonstances qui l'a conduit à utiliser l'avion présidentiel rwandais. À chaque commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Nadia Mira, survenu suite à un attentat contre l'avion de son homologue rwandais Juvenal Habyarimana à l'aéroport de Kanombe à Kigali, le parti Sahwanya Frodebout ainsi que sa famille réclament toujours la vérité et la justice sur sa mort, mais sans succès. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que le mobile de l'attentat contre l'avion présidentiel rwandais dans lequel Cyprien Nadia Mira et ses collaborateurs étaient à bord soit connu? Qu'est-ce qui a été fait pour que la famille de Nadia Mira et celle de ses collaborateurs soient rétablies dans leurs droits? Le dossier Nadia Mira ne serait-il pas parmi les dossiers qui alimentent de mauvaises relations diplomatiques entre Gitega et Kigali? Qu'est-ce qui doit être fait pour que la vérité sur la mort du président Nadia Mira soit connue? Voilà quelques questions qui vont nous guider dans ce débat qui voit la participation de Léon Sengendakumana, membre influent du parti Sahwanya Frodebout. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation. Je salue mes collègues avec qui nous allons partager cette émission, mais aussi je salue nos auditeurs. Merci beaucoup, Léon Sengendakumana. Tassé Sibomana, politicien et membre du parti Prona. Bienvenue dans Mosaïque. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je salue ceux qui sont avec moi au studio. J'en profite aussi pour saluer les auditeurs et téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Mais entre-temps, il faut m'appeler tel que je suis. Je ne suis pas un simple militant de l'UPRONA parce que je dirige l'UPRONA de l'opposition. Merci beaucoup. Je suis autour de ce plateau avec François Xavier Salimana, président du collectif des victimes et rescapés du génocide commis contre les Hutus en 1972, avant et après. Bienvenue dans Mosaïque. Merci beaucoup. Je remercie la radio Isanganiro qui m'a invité. C'est la radio-télévision. Il faut ajouter télévision. Vous avez fait un pas. Oui. De la radio-télévision Isanganiro qui m'a invité. Salutations à vous tous ici au studio et toutes mes salutations à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci. Merci à vous. Nous sommes aussi avec Deo Hakidzimana, président du CIRI, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Merci de m'avoir invité. Et puis, moi, je tiens quand même à vous féliciter pour avoir amorcé cette discussion que j'espère fructueuse pour le temps que nous allons passer ici. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Alphonse Kugimana, Jérôme Ndaï Chimie et Yannick Remezo. Medarni Onguru réalise ce débat et à l'animation, c'est Evariste Ndikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Ouvrons ce débat avec la première question. Et faisons le tour de table. 31 ans après la mort de Nadia Amira, dossier en suspense, quelles sont vos impressions? Léon Senghinakoumane. Merci beaucoup de me poser cette question. C'est vrai, nous sommes à la 31e année de l'assassinat de fait président Cyprien Nadia Amira au Rwanda, il a péri au Rwanda. Ça, c'est un constat malheureux. L'état d'avancement de son dossier sous ses aspects multiformes n'est pas satisfaisant à cause des mauvaises relations qui se sont développées entre le Burundi et le Rwanda depuis de nombreuses années. Ce n'est pas uniquement après la mort de Cyprien Nadia Amira, mais depuis de nombreuses années. Ce climat de tension entre le Burundi et le Rwanda, il y a même qui qualifient ces deux pays de faux jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. À un certain moment d'ailleurs de la crise burundaise, il y a eu même des tentatives de vouloir imposer une solution ethnique en ces deux pays. Moi, je le sais parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens qui voulaient comme solution faire du Burundi un pays des Hutus, faire du Rwanda un pays des Tutsi. Je les ai dissuadés que cela était une fausse solution. C'était une solution virtuelle. Mais il y a de mauvaises relations qui se sont développées entre le Burundi et le Rwanda qui sont certainement à l'origine du blocage de ce dossier. Voilà. Et certains parlaient d'un attentat contre l'avion, et d'autres parlaient d'un accident, d'un crash. Même ceux qui disent que c'est un accident, ils le savent. Ils savent que c'est un attentat. Ça, ils le savent. Ils le font exprès. Mais c'est un attentat qui a emporté deux chefs d'État dans cette sous-région et qui a été à l'origine de graves tensions dans cette région qui se sont répercutées même sur la RDC. Merci beaucoup. Nous sommes avec Tassien Sibomana. Tassien, avec moi, nous avons appris cette triste nouvelle. C'était le 6 avril 1994. Aujourd'hui, on ne connaît rien, pas de justice pour Nadia Amira. Quelle est votre impression aujourd'hui à la commémoration du 31e anniversaire? Merci beaucoup. D'abord, un commentaire d'ordre général, c'est que dans la sous-région, il y a beaucoup de vérités non dites et d'autres qui ne sont pas connues. Les raisons sont multiples. Deuxième commentaire, c'est qu'on souffre beaucoup d'un manque de justice dans nos pays. Que ce soit pour d'autres dossiers, pas nécessairement celui du président Nadia Amira, que ce soit ici, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, on souffre terriblement d'un manque de justice. Ça, ce sont des commentaires d'ordre général. Et cela est dû à quoi? Cela est dû à pas mal de raisons. D'ailleurs, qui justifie ce manque de vérité, de justice pour le dossier précis qui nous occupe? Il y a les circonstances de ce crash d'avion, de l'attentat, je ne sais pas. Les circonstances de la mort de ces deux présidents ne permettent pas que la vérité et la justice soient faites. Et soit dit. Ça, c'est la première raison qui fait qu'on ignore encore la vérité et la justice sur ce dossier. Là, vous parlez de la crise qui était dans nos deux pays. Oui. Au Burundi, vous savez ce qui s'était passé depuis 1993, au mois d'octobre. C'était le 6 avril, on était encore en plein dedans. Au Rwanda, après, il y a eu génocide. Avant aussi, il y avait la tension, oui, la guerre civile ouais. où pratiquement il y avait risque de confrontation sur Kigali, pratiquement. Donc, pour vous dire que les circonstances politico-sécuritaires dans nos pays ne permettent pas ou ne permettaient pas que la justice et la vérité soient connues. Alors, troisième raison, ce sont justement les relations entre le Rwanda et le Burundi, qui ont été très chancelantes dans certaines périodes, plus particulièrement à partir des années 2015 jusqu'à aujourd'hui. Merci à Tassien Sibomana pour votre commentaire sur ce qui s'est passé, qui reste toujours sans issue. Je suis également autour de ce plateau avec François-Xavier Salimana, président du collectif 1972. Voilà, 31 ans après, on ne connaît rien. On n'a pas de vérité, on n'a pas de justice sur la mort de Nadia Amira, qui a péri dans un crash d'avion, dont certains appellent attentat contre l'avion présidentiel rwandais. Qu'est-ce que vous en dites au niveau du collectif? Vous avez été invité ici comme représentant du collectif. Merci de cette question. C'est une question très pertinente. Pas difficile à répondre. Ça dépend. Ça dépend. Tout est contingent. Donc, moi, je me dis qu'en réalité, il faut chercher la cause de la non-connaissance de cette vérité. Mmh. D'abord sur le plan des deux pays et sur le plan international. Commençons par le pays qui a d'abord perdu son président, Cyprien Ntaryamira, qui est le nôtre. Si on commence par le Burundi, je me dis qu'il faut se demander qu'est-ce que le Burundi, en tant qu'État, qui a perdu un chef de l'État, a fait pour qu'il y ait la connaissance de ce qui est réellement passé au cours de cet attentat. C'est-à-dire, qui sont les commanditaires de cet attentat, le pourquoi de cet attentat, et qu'est-ce qu'il faut faire à l'endroit des victimes. À ce moment-là, il faut se demander. Après l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira, il a été succédé par le président Ntibantunganya. Vous, en tant que journaliste, il serait mieux d'approcher le président Ntibantunganya et essayer de vous enquérir ce qu'il a fait quand il était le chef de l'État par rapport à ce dossier. Après, le président Ntibantunganya a été renversé par coup d'État fait par Buyoya et son équipe. Même si Buyoya n'est plus, il y a encore ses proches collaborateurs qui sont ici. Il faut les approcher. Après le président Buyoya, la deuxième tranche de la transition a été dirigée par le président Domitien Ndayizeye. Il serait mieux d'approcher le président Domitien Ndayizeye, Dieu merci, il est encore vivant, et essayer de lui demander ce qu'il aurait fait sur ce dossier. Allah dans le sens de connaître la vérité de ce qui s'est réellement passé. Parce que sans cette connaissance de la vérité, il sera difficile de rendre justice à son président et ses proches collaborateurs avec qui ils étaient ensemble dans cet avion. Et puis, après, il faut progresser. Vous savez qu'après M. Ndayizeye, c'était le président Pierre Nkurunziza. Il n'est plus, mais il a quand même ses proches collaborateurs que vous pouvez approcher et leur demander ce qu'il en est de ce dossier en termes de suivi. Même le président actuel a été son chef de cabinet civil. Donc ça devient encore plus facile. Et après cela, il faut approcher le président actuel, le général-major Evariste Ndayishimiye, et demander ce qu'il en est de ce dossier. Il aurait été préférable d'ailleurs qu'autour de ce débat, il y ait un représentant de l'État burundais pour nous donner la lumière là où l'État en est avec ce dossier. Mais quand cela nous tienne, je vous conseillerais de les approcher et vous enquérir de ce qu'il en est en termes d'état d'avancement du suivi de ce dossier qui concerne pas n'importe qui concerne un attentat qui a été fait à l'encontre d'un chef de l'État burundais, quoi que ça se soit passé dans un pays étranger, mais qui reste et qui restera un pays voisin. Voilà. Merci beaucoup, François-Xavier. Nous sommes avec Deora Kizimana, président du CERID. 31 ans après, on réclame toujours justice. La première étape, quand il y a crash ou quand il y a attentat, la première examination, c'est la boîte noire. Aujourd'hui, 31 ans après, quelle est votre impression? Mon impression, c'est d'abord que ce n'était pas un crash, c'était un attentat. Un attentat prémédité. Comment expliquez-vous cet attentat? Tout se sait, monsieur. Je suis même d'accord avec mon frère Léonce qui dit que l'attentat qui a coûté la vie au président Ntaryamira était le résultat d'un complot avec des ramifications nationales, des contingences régionales et des complicités internationales. Et c'est aujourd'hui, 31 ans après, qu'on va comprendre que la mort du président Tagliami constitue, à mon sens, un dossier clé pour comprendre ce qu'on dit, ce qui se passe aujourd'hui à travers la région des Grands Lacs. Et on dira surtout que pendant les 30-31 ans, c'est une période pendant laquelle la plus grande est perdante. Ce n'est pas nous seulement les hommes, ce n'est pas nous les pays, c'est d'abord la vérité en tant que telle. La vérité a été la plus grande perdante dans ce qu'on a connu dans cette région. Mais je suis heureux, moi, aujourd'hui, en tant qu'acteur et témoin de ce qui se passe dans cette région, de constater que cette vérité commence à émerger, y compris sur le dossier Cyprien Tagliamila, la preuve, vous nous avez invités. Et je suis d'avis avec mes collègues qui auraient souhaité qu'il y ait un représentant de l'État burundais autour de cette table. Mais moi, j'irai encore plus loin pour souhaiter la présence même de ce que nous appelons communément la communauté internationale, parce qu'elle est concernée par ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils nous attendent de là où ils sont. Peut-être, c'est à vous de prendre l'initiative, parce que dans la réflexion sur les solutions, il est clair, si vous êtes bien informé, que se trouver à Bujumbura aujourd'hui, vous devez en même temps imaginer que vous êtes dans une ville symbole, une capitale naturelle de cette région qu'on appelle des Grands Lacs. Les géopoliticiens que j'ai lus et que j'ai répercutés dans mes propres écrits parlent de Bujumbura qui est le balcon du Congo. En d'autres mots, si vous acceptez d'aborder un dossier comme celui-là concernant la mort du président Tagliami, ça vous mène à la compréhension globale de la problématique que nous avons à résoudre dans cette région. Maintenant, laissez-moi vous faire observer que parler de ce dossier est une démarche multiforme, multisectorielle. Il faut interroger beaucoup de gens. Mais c'est peut-être le but de ce débat qui ne sera pas le seul, je l'espère. Et on pourrait y revenir si vous me posez la question. Merci beaucoup, Léon Senghenakoumana. Le Frodebou a été aux affaires de ce pays. Certains disaient, oh, le pouvoir Frodebou n'a rien fait. Et c'est le manque de volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bloqué les choses? Le Frodebou n'a pas été au pouvoir pendant longtemps. À peine 102 jours. Sans des jours. Mais il y a eu des gouvernements de convention. Le pouvoir Frodebou a été décapité. Le Frodebou lui-même, comme parti politique, a été décapité. Il est entré dans une crise profonde. Et il a été obligé d'abord de faire face à cette crise. Lui imposée. C'est dans le cadre de ces crises que nous avons perdu des chefs d'État que nous avions connus aussi en coup d'État en 1996 contre le troisième président ici du Frodebou. En trois ans, deux présidents ont été assassinés et un autre a été renversé. Comprenez qu'on n'a pas eu beaucoup de manœuvres pour faire grand-chose. Oui, donc, ceux qui disent que le Frodebou a été au pouvoir pendant longtemps, je ne dirais pas qu'ils s'amusent. Ils savent que le Frodebou n'a pas pu exercer son pouvoir à cause de tentatives de coup d'État et à cause aussi de cet attentat qui a eu lieu à Kigali. Donc, nous avons fait ce que nous avons pu pour essayer. Tentative de coup d'État ou des coups d'État. Des coups d'État. D'ailleurs, ce ne sont pas des tentatives, certes. Ah, ici. Ce ne sont pas des tentatives. Donc, dans cette affaire de l'assassinat du président Cyprien Tagliamira, vous savez, tout le monde l'a déjà dit. Il y a les circonstances politico-sécuritaires, comme l'a dit notre collègue Tassien qui ont pesé. Il y a les relations tendues qui se sont développées entre le Rwanda et le Burundi qui ont pesé aussi. Déo le disait, il y a la complicité internationale. C'est un dossier extrêmement complexe. Alors, l'offre debout, c'est un parti politique, il reste un parti politique comme les autres. Nous avons une trentaine de partis politiques. Nous avons des institutions quand même. On était encore petit, mais il y a eu des gouvernements de convention. L'offre debout était en collaboration avec l'UPRONAT de Tassien. Qu'est-ce qui a bloqué pour qu'on arrive à cette vérité? Et le contentieux entre l'offre debout et l'UPRONAT n'est pas encore terminé. N'est pas encore terminé. Il faut plus facilement mentionner que la convention de gouvernement, c'était de l'aboutissement, le vrai aboutissement du coup d'État. Ah bon? Ah ben oui. Bon, de toute façon, parmi les facteurs qui ont fait qu'on n'avance pas beaucoup sur cette question, c'est à cause aussi du conflit, du contentieux entre le Front et le Pronant. Si la crise de 93, bon disons de 93, même avant. Je dis, nous allons continuer à exiger que ce dossier soit clarifié, qu'il soit clôturé, pour que cette vérité qu'on dit, qui manque, éclate en grand jour. La vérité est connue, mais c'est très difficile de la dire aujourd'hui. Elle est connue sur quelle base? La vérité est connue parce que Ntaryamira est mort au Rwanda. Les responsabilités premières sur cet assassinat incombent au gouvernement du Rwanda. Si la vérité est connue, il faut nous la partager. Il est mort au Rwanda. Puisque nous sommes ici pour connaître cette vérité. Il est mort, le président est mort au Rwanda. Et les enquêtes qui ont été déjà menées, qui n'ont pas été rendues publiques, parle du FPR comme responsable de l'attentat de cet avion. Si vous ne le saviez pas. Il ne faut pas dire que ce n'est pas connu. C'est connu, mais c'est très difficile de dire cette vérité. Aujourd'hui, la justice, évidemment, n'est pas encore rendue à cause des différentes raisons qu'on a déjà évoquées. Mais sachez que le Front debout a fait ce qu'il pouvait faire et qu'il continue à œuvrer pour que la vérité éclate au grand jour. Et que les responsabilités soient fixées et que le dossier soit clôturé. 31 quand même, c'est beaucoup d'années. Il y a ceux qui disent que même la boîte nord de cet avion n'a pas été retrouvée, qu'elle est cachée quelque part. Bon, je ne suis pas très sûr que la boîte n'a pas été retrouvée. Je ne pourrais pas confirmer cela. Mais ce qui est vrai, qu'on trouve la boîte nord, qu'on ne la trouve pas, la responsabilité première de l'assassinat du président Dadaïe, c'est Ntaryamira. Du président Ntaryamira, je les confonds, parce qu'ils étaient de grands frères. Ça repose sur le gouvernement rwandais. C'est le gouvernement rwandais qui doit tout faire pour que ce dossier soit clarifié. Évidemment, le gouvernement du Burundi ne saurait pas être excusé, mais le Rwanda doit s'impliquer davantage pour que ces relations ne restent pas tendues entre le Burundi et le Rwanda pour pouvoir aborder sérénement cette question. Oui, et Tassien Sibomana, celui qui accuse le Front debout de n'avoir rien fait, peut aussi accuser l'UPRONA, puisque l'UPRONA a été en connivence avec le Front debout et les gens parlent de manque de volonté. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas ici pour excuser Offrodez-vous, l'UPRONA. Moi, je vous dis, en tant que président de l'UPRONA de l'opposition, sur toutes ces étapes fatidiques qu'a connu le Burundi, nous sommes pour la vérité, nous sommes pour la justice, mais juste. Je le répète, l'UPRONA de l'opposition est pour la vérité. Et pour la justice, c'est juste. Et l'autre prône. L'autre prône prône pour le CNDD-FDD. Le jour où le CNDD-FDD voudra la vérité et la justice, c'est donc Mugumya dansera la même danse. Mais donc, n'allez pas chercher de me dire. Ceux-là ne sont pas. Alors, ok, je dois répondre à mon ami. Alors, pour vous dire quoi? Il ne faut pas que les gens commencent à spéculer. Je l'ai dit depuis. Je me rappelle d'une émission, probablement que c'était ici ou à la RPA, avec Fé Gatko. quand l'honorable Léon s'est dit qu'il y a un condamnation, il prenait le flot des mots, ok. Il parlait de ces histoires de putschistes. Moi, j'ai dit à M. Segato, M. Segato, il fut un temps, Maître Segato, je disais, honorable Maître Segato, vous êtes du Front Debout, non? Oui. Il fut un temps où le Front Debout avait la présidence de la République, le ministère de la Justice et le parquet général de la République. Ce qu'on appelle l'appareil de dans quelles conditions, M. Tassier? Oui, d'accord. J'ai dit les conditions, effectivement. Quand les armes parlent, la justice sautait, ça c'est clair. Mais, il continue à dire les putschistes. Moi, j'ai dit, arrêtez tous ces putschistes. Vous avez des armes. Tu viens de mais, le dire. Mais, acceptez qu'on arrête tous ceux qui ont massacré les Tutsis et les Hutus de l'Ipruna. Sous de prétextes fallacieux que le président a été assassiné. Vous attendez que je prenne le pouvoir pour arrêter ces putschistes pour le compte du Front Debout. Il a rigolé. Même aujourd'hui, on se rencontre, on se taquine mutuellement. Mm-hmm. Pour vous dire quoi? On est d'accord avec la vérité. On est d'accord avec la justice. Pourquoi ça ne vient pas? Léon, c'est là. Il a été parmi les négociateurs de l'accord d'Arusha. Au même titre que les Ipronistes dont il parle. Ils ont proposé des mécanismes de gestion de cette problématique. Pourquoi ces mécanismes sont en train d'être banalisés par le parti CNDD, qui est par ailleurs une création du Front Debout? Il ne faut pas non plus cacher la vérité. Est-ce que le Front Debout et l'Iprona sont engagés pour défendre leurs œuvres? Il y a une partie du Front Debout qui ne se manifeste pas tout comme l'air de l'Iprona qui danse la chanson du Saint-Détif. Voilà la problématique, il ne faut pas encore une fois. Je vais terminer par là d'ailleurs. Mm-hmm. Vous nous avez invités pour qu'on prenne pour la vérité et la justice, pour le dossier du président d'Ariami qui a été tué lors d'un attentat ou d'un crash de l'avion présidentiel rwandais. Il ne faut pas sauter une étape. Toi, tu as dit que l'avion burundais était en entretien à Tanzanie. Oui. Est-ce que l'avion Falcon 50 s'entretenait? On l'entretenait en Tanzanie. Je suis désolé que ce n'est pas vrai. Il faut commencer à dire la vérité ici même. Pourquoi le président burundais a-t-il préféré demander un lift dans un avion du président rwandais, alors qu'il avait son avion? On avait encore quelques avions. Je pense que c'était la Falcon 50, si je ne m'abuse. Oui, oui. Oui. Pourquoi le président burundais a-t-il préféré demander un lift dans un avion d'un autre chef d'État, alors que lui, comme chef d'État, avait son propre... Bon, c'était à lui... Mais il faut que tu commences par là. Non, c'était à lui de nous répondre à cette question. Ce n'est pas à lui, mais comme seulement. Il n'est pas en vie... Il y en a qui étaient dans la délégation. Il y a son conseiller, mon ami Deo, qui a dit qu'il était parmi ceux qui ont préparé la réunion de Dar es Salaam. J'étais pas dans la délégation de Dar es Salaam, mais j'assume la responsabilité d'avoir fait partie de l'équipe qui a préparé la conférence de Dar es Salaam. De toute façon, tu connais au moins les circonstances de son départ, de son retour. Okay. Mais pour cela ne justifie pas, ne justifie en aucune façon cette attente. Parce qu'il a demandé à l'équipe. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Il ne faut pas lier ça. Non, monsieur, mon ami Léon. Moi, je dis qu'il faut que toute la vérité soit dite. Autant nous voulons la vérité sur les raisons de sa demande de lift, autant nous avons besoin de la vérité sur les responsabilités de l'attente. Ça, je suis clair. Il ne faut pas hésiter ou me prêter d'autres intentions. Je veux que tout le dossier, de bout en bout, la vérité soit dite. Et si jamais la vérité est là, la justice soit rendue. Cette vérité doit être dite par qui? C'est une question qu'on va répondre. C'est là où on se dirige dans ce débat. C'est là le premier. Et François Xavier Nsabimana, comme vous venez de poser cette question, je vous la renvoie. Comment doit-on connaître cette vérité? et qui doit le dire. Il y a la communauté internationale, il y a le CPGL, il y a l'EAC, il y a les gouvernements de ces deux pays. Que doit être la procédure ? Ce n'est pas d'abord une question de procédure. Il faut d'abord comprendre que c'est une question de la volonté. Il faut poser cette question en termes de volonté. Donc il y a manque de volonté. Cette volonté n'a pas une assise. Nous avons une absence trentenaire de la vérité sur le dossier Nariami. Quoique le très honorable Léos Ndiendakouman ait dit que la vérité est connue, mais cette connaissance n'a jamais été officialisée. Pourquoi ? C'est de manière délibérée. Oui, c'est délibéré. Ilisso lance la balle selon laquelle l'attentat a été commis par le FPR, comme l'a dit l'ancien très honorable. Les autres, l'attentat a été exécuté par le régime de Habyalma. C'est un paradoxe, c'est ça. Donc ça devient problématique. Et maintenant, la question a suscité un enjeu international, pas un enjeu se situant entre les deux pays, que le Burundi et Rwanda. Maintenant, la question plutôt que nous devons nous demander, est-ce que le Burundi, l'État du Burundi, a la volonté à ce que la vérité sur le dossier Nariami soit connue et que ce dossier soit clôturé en bonne et due forme? Est-ce que l'État du Rwanda a la volonté que la vérité sur le dossier Nariami soit connue et clôturée? Est-ce que la sous-région a la volonté que ce dossier, la vérité sur ce dossier soit connue et clôturée? Est-ce que la communauté internationale a cette volonté? Puisque si l'attentat a eu lieu, il s'est attaché avec le problème du génocide rwandais. Et derrière le génocide rwandais, qu'est-ce qui s'y cache? Est-ce que dans ce génocide rwandais, les États membres de la communauté internationale n'ont aucune responsabilité qui peut empiéter sur la démarche visant à connaître la vérité sur le dossier Nariami? Parce que qui appelle connaissance de la vérité sur le dossier Nariami appellera également connaissance de la vérité sur ce qui a emporté le président du Rwanda de l'époque. Et qui, ce qui va amener l'opinion à connaître cette vérité, c'est cela qui va amener les uns et les autres à s'interroger pourquoi ils ont enquêté sur les génocides rwandais et ils se sont empêchés d'enquêter sur les responsables de l'attentat de l'avion qui a emporté notre cher président. Je ne sais pas si je m'en fais comprendre. Pour enquêter sur des centaines de génocides qui étaient éparpillés un peu partout dans les différents pays du monde entier, ça a été facile pour eux que d'enquêter sur un attentat de l'avion qui est un élément. Ils ont pu enquêter jusqu'à connaître qu'on se trouve plusieurs éléments, mais ils se sont empêchés d'enquêter sur ce que je dirais la moindre des choses. L'élément déclencheur. Et la base, c'est ce qu'ils disent. Puisqu'ils disent que le génocide, le déclenchement du génocide, ça a été, ça a commencé à partir de... De l'attentat qui... Voilà. Maintenant, comment tu abandonnes le socle qui devrait te permettre d'accéder à cette vérité, mais tu sautes sur l'autre étape avant de terminer sur cette question qui constitue le socle de ce qui s'est passé au Rwanda. Mais la problématique maintenant, c'est le contexte en termes des relations internationales actuelles. C'est question maintenant de la géopolitique actuelle. C'est également la question de la géostratégie actuelle. C'est le jeu, c'est le théâtre de ce que les nations, quand je dis la nation, je n'enlève aucun pays, sont en train de vivre comme cadence autour de ces pays, de la région là où s'est déroulé cet attentat qui a emporté notre cher président Cyprien Ntaryamira. Et avec cette cadence actuelle, en termes de géostratégie et de géopolitique, il y a 1000 moyens, sauf si Dieu intervienne, que cette vérité qui, Léos dit qu'elle est déjà connue, porte des fruits en termes de rendre justice à notre cher président Fé Ntaryamira Cyprien et ses proches collaborateurs que souvent vous oubliez, avec qui ils étaient ensemble dans cet âge. C'est là où je peux me limiter. C'est à ce niveau que je peux me limiter, cher ami, sur cette question, je pense. Mosaïque. Vous suivez Mosaïque qui porte aujourd'hui sur le 31e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira à l'aéroport de Kanombe au Rwanda avec nos invités. Nous sommes en train d'échanger sur ce qui a manqué pour que le mobile de cette tragédie éclate au grand jour. Léo Hakizimana, vous venez d'entendre les interventions des uns et des autres. On comprend qu'il y a manque de volonté pour que la vérité soit connue. Avez-vous un ajout à ce que vient de dire notre ami le professeur François-Xavier? Le manque de volonté, ça c'est évident, mais j'ai l'impression qu'il y a une question qu'on ne pose pas assez et qu'il faut désormais laisser émerger autour d'une attention particulière. La question est, pourquoi le président Ntaryamira a-t-il été assassiné? Pourquoi? Pourquoi, après sa conférence à Dar es Salaam, a-t-il dû prendre un lift sur l'avion de son confrère rwandais à Habyarimana? Oui, c'est ce que Tassien venait d'évoquer. Alors que d'autres alternatives étaient possibles. Moi, j'essaie de comprendre la question pourquoi Ntaryamira a été tué. Je vais essayer de le comprendre en tant que son ancien conseiller. J'étais son conseiller sécuritaire. Et j'avais commencé à travailler autour de ce dossier avant même qu'il ne songe à me nommer par un décret présidentiel comme conseiller. Parce que ça me passionnait beaucoup. Les gens ne savent pas, et s'ils ne savent pas, ils ne sauront jamais que Ntaryamira aura été le personnage principal grâce auquel la région des Grands Lacs a connu sa première conférence internationale sur la région, celle qui s'est tenue en 2004 à Nairobi. Mmh. C'est une initiative internationale prise à l'origine par le président Cyprien Ntaryamira, lui-même conseillé par ses conseillers, comme moi, on était trois ou quatre à travailler sur le dossier. Et à un moment donné, nous avons vraiment avancé. Nous avons avancé de sorte que nous puissions réaliser que nous étions en train de faire quelque chose de fondamental pour toute la région et que le président Ntaryamira était le garant. Et il doit y avoir eu des fuites qui ont fait que le travail que nous faisions a été porté à la connaissance de milieux qui ne voulaient pas de solution du tout. Moi, j'assume ce que je dis en parlant comme ça. Et l'assassinat de Ntaryamira était une décision ultime pour ceux qui voulaient arrêter le cours des événements. Il faut aller jusqu'à réfléchir comme ça. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi, pendant 30 ans, on n'a pas parlé de Ntaryamira. Pas que de lui, évidemment, parce qu'il y a eu d'autres assassinats dont on n'a jamais parlé, mais c'était dans le cadre de toute une politique criminelle de mise à plat de notre région à cause de l'incinante question de la course vers les ressources naturelles africaines. Mmh. Aujourd'hui, que nous débattons de cette question, nous devons nous rendre compte aussi que le monde est plongé dans toute une réflexion, je dirais même toute une crise sur comment se fait et se défait le nouvel ordre mondial en cours de gestation. Peut-être qu'en parlant du dossier Ntaryamira, on peut savoir, pour ce qui est de la région des Grands Lacs, comment les choses peuvent être conduites. Est-ce que vous savez que à un moment donné, dans la communauté internationale, il y avait un procureur, Carla Del Ponte, la Suissesse, qui avait demandé à s'intéresser aux détails des responsables de l'attentat. Est-ce que vous savez que ça lui a coûté son poste? Si vous répondez à des questions comme celle-là, vous allez comprendre que le dossier Ntaryamira est un enjeu important. Mais d'autres sources indiquent que même que l'assurance a été payée. Mais oui, oui, tout à fait. La Lloyd's de Londres a payé de l'argent pour indemniser la famille Ntaryamira. Mais je ne suis. Pourrait que l'argent ait été détourné par un avocat qui avait été engagé. Un avocat ne peut pas intervenir dans tout ça pour agir tout seul. Il doit avoir été commandité par quelqu'un. Oui, le nom de cet avocat, nous le connaissons. Mais la vraie question, allez demander à Madame Sylvana Ntaryamira, la veuve du président Ntaryamira, si elle a eu son dû. Non. Je ne crois pas. L'année passée, elle nous a dit que l'avocat est resté introuvable. Bon, on ne peut pas. Non. Oui, il a disparu quelque part dans les montagnes du Congo. Mais ce qui l'ont fait disparaître, ils savent aussi comment le retrouver. Ah ben oui. Nous sommes dans les dernières minutes de ce débat. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ce dossier soit clôturé? Léon Senghenakouma, quelles sont vos propositions? Quelles sont vos contributions? Nous allons tenter de donner des suggestions. Ce sont des suggestions, mais... Mais il y a quand même une hypothèse qu'il faut d'abord écarter dans tout ceci. C'est une hypothèse qui vient d'être lancée ou dite par le professeur que l'attentat aurait été prémédité, exécuté par le pouvoir Habyarimana. Non, je ne l'ai pas dit. Vous avez dit comment? J'ai dit que... Il y en a qui disent ça. Il se lance là-bas. Voilà, côté FPR, on dit que c'est FDLR qui a tiré sur l'avion de Ntaryamira. FDLR n'existait pas encore. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est balancé dans l'opinion. Il y a des enquêtes qui ont eu lieu. Dans les enquêtes qui ont eu lieu, je n'ai vu nulle part. J'ai des documents où on parle de cette hypothèse. Les Rwandais qui étaient contre le pouvoir d'Afzeliman. Qui ont fait ça? Ce sont eux qui ont tiré sur l'avion. Vous permettez comme juriste. Alors, pourquoi est-ce que... vous avez posé la question, non, monsieur le professeur. On y arrive, on y arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'on a enquêté sur les conséquences de l'attentat que d'enquêter sur les causes de l'attentat? Si cela est vrai. Que d'enquêter sur l'élément déclenché du génocide. Oui, oui. Parce que l'élément déclenché, si cela aurait été vrai, le FPR aurait exigé, parce qu'il a été condamné, il a été, pas condamné, mais cité, beaucoup cité dans cet attentat. Honorable. Comment est-ce que tu n'as jamais entendu qu'il y a une partie des membres du Frodebo qui savaient que Ndada allait être assassiné? Faux. C'est la même chose. Faux. Ça veut dire quoi? J'arrive à... Il déclenche un génocide, il commet un attentat. Et il fouille. Non, non. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je donne les hypothèses comme... De toute façon, vous n'avez jamais cessé de les entendre. Que ce soit celle du Rwanda que le professeur a soulevé. Que ce soit même l'hypothèse de Sichine. Qu'il y a certains membres du Frodebo qui savaient que Ndaye allait... C'est un autre débat. Oui, justement. Donc, c'est pourquoi je le cite en passant. Alors, c'est pour vous dire que cet élément que vous appelez déclencheur peut justifier cette hypothèse. Les tenants du génocide pouvaient se dire « Ah, ils viennent de signer un accord de paix qui risque de nous empêcher de commettre le génocide. Alors, autant nous en débarrasser. » Voilà pourquoi je disais que ce que vous dites risque de rendre encore plus problématique voilà, la connaissance de la vérité. L'important, c'est de mener des enquêtes. Enfin, justement. pour la question de la science. Cependant, à l'absence de la certitude, oui. l'on épouse plusieurs hypothèses. C'est ça, non, même non, l'hypothèse moi-même. Que vous êtes en train d'avancer, oui, oui. elle n'est pas unique. Non, mais... non, je ne l'avance même pas, je ne l'avance oui. même pas. Gardons les hypothèses qu'on la rende plus visuelle parce qu'elle risque de compliquer. Non, gardons les hypothèses deuxième, qui se disent, deuxième, et c'est cette vérité que nous cherchons. Oui, oui, oui. Et il faut les élargir cette hypothèse. Oui, oui, deuxième aspect. On est d'accord. Mais on ne peut pas dire que ça ne se dit pas. Deuxième aspect, c'est l'aspect que soulève Déo. Il dit l'assassinat de Nari Amir. En définitive, ce n'est pas l'assassinat de Nari Amir. C'est quoi? Parce que probablement que les autres ne savaient même pas qu'il était. Nari Amir n'a pas été assassiné. Mais il a été assassiné. L'attentat a été porté contre l'avion. Du président Rwanda. Parce qu'on doit connaître les gens qui embarquent là. Justement. On le connaît d'avance. Vous croyez que c'est le manifeste, c'est eux qui ont tiré, ont consulté le manifeste. Ils savaient que le président Rwanda devait rentrer dans cet avion. Donc, ce n'est pas dit encore une fois. Est-ce que c'est vous qui le savez? Non, moi, je ne le savais pas. Ça reste hypothétique. Alors, ça veut dire quoi? Les enquêtes telles qu'elles doivent être menées doivent commencer pour savoir qui a commis l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Mmh. Et en conséquence, on connaîtra en définitive les circonstances de la mort de notre président. Mmh. Et la la responsabilité. Oui. Il en va de soi. Alors, donc, sinon, dernièrement, sur la question de la assurance. Et là, cette fois-ci, je voulais demander à mon ami Léonce. Vous étiez quand même un homme important de décision. Je ne sais pas quand son montant aurait été décaissé pour indemniser les ayants droit de faire président Habyarimana. Alors, président Habyarimana. Cette fois-ci, le pouvoir burundais doit en savoir quelque chose. Parce que cet argent n'est pas donné à l'air, n'est pas donné à l'État rwandais. Je me dis. Ça passe de compte en compte. Oui, ça veut dire qu'il y a des endroits qui étaient connus. Oui, en principe. Et cet assureur ne pouvait pas s'aventurer pour donner l'argent au Rwandais ou à qui que d'autre. Ou à un avocat. Oui. Donc, il faut au moins sur cela. C'est Rodeo Hakizimana au Congo. Au moins sur ça, les deux États ne sont pas nécessairement impliqués pour trancher cette question. C'est ce que vous dites. Il faut que le pouvoir burundais contacte la maison qui a indemnisé. À qui avez-vous donné ce montant? Sur ça, on n'a pas besoin d'assainir même les relations entre le Rwanda et le Burundi. Le Burundi est capable de connaître qui a pris ce montant. Exactement. Ça, exactement. C'est vraiment, ce n'est pas compliqué. Sur ça, il faut être clair. Merci beaucoup, Léon Sengedakoumana. Léon Sengedakoumana, un dernier mot. Un dernier mot qui est responsable, qui doit tout faire pour que la vérité soit connue. Ah. La responsabilité. C'est le Burundi qui a perdu un chef d'État. Donc, le Burundi, sur la recherche et l'établissement de la vérité, a la première responsabilité. Donc, parce qu'on ne va pas demander aux Rwandais, quand même, aujourd'hui, dites-nous votre responsabilité. Mais il faudra d'abord résoudre les problèmes. C'est ça, c'est ce que je dis. Mm-hmm. C'est ce que je dis. Je dis, le premier responsable pour rechercher, établir cette vérité, avec objectivité, avec neutralité, impartialité, c'est le Burundi. Mm-hmm. Hein? Alors là, il faut d'abord chercher à baisser les tensions. Mm-hmm. Nous avons vu que... D'abord, il faut d'abord résoudre ces questions d'ordre politico-sécuritaire. Hein? Baisser ensuite les tensions entre les relations qui se trouvent entre le Burundi et le Rwanda aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que les deux pays sont les plus concernés, même si on parle de l'implication de la communauté internationale, les deux pays sont les plus concernés au premier degré. Mm-hmm. Le Rwanda et le Burundi, pour connaître la vérité, rendre justice, s'ils ont de bonnes relations, s'ils développent de bonnes relations entre eux, cette question sera réglée. Mm-hmm. Donc, si les tensions, si la situation politico-sécuritaire reste tendue, si les relations entre le Burundi et le Rwanda restent mauvaises... S'il vous plaît, monsieur Léonce, le Burundi n'a jamais eu des relations favorables avec le Rwanda pendant une période qui n'est pas moins de 10 ans. Pourquoi ça n'a pas été réglé? Pas 10 ans uniquement. Voilà. C'est depuis 5 ans. Ça n'a pas été réglé. Si on écoute, si on considère les propos des uns des autres, c'est depuis les années 60. Hein? Ce n'est pas vrai. Avec le professeur, vous faisiez remarquer qu'il y a un temps quand même où les relations n'étaient pas tendues. Ah oui. C'est ce qu'il vient de vous faire. Mais bon, la question n'a pas été réglée. Bon, même ce n'était pas officiel. C'est même si on dit qu'il y a des responsables du FPL qui sont venus dans des réunions. Ce n'est pas dans ce sens. C'est une façon de vous faire comprendre que le dossier en soi va au-delà des États. Ah, ok. Ça, je suis sûr. Ah, oui. Ça, c'est évident. Oui, ça, c'est évident. Mais je dis la grande responsabilité. Oui, oui. Il y a un combo de deux États. Oui, oui. Il faut que les deux États. Ils peuvent solliciter un appui peut-être extérieur. Peut-être que les deux États doivent manifester cette volonté de dialoguer. Ah, absolument. Merci beaucoup. Sinon, il sera très, très, très difficile, et je suis pessimiste sur cette question, de trouver une voie de sortie en restant dans le contexte politico-sécuritaire, diplomatique entre le Burundi et le Rwanda, qu'on vit aujourd'hui. Oui, et François-Xavier, un dernier mot. Qu'est-ce qui doit être fait? Quel est le premier responsable? Au regard des enjeux internationaux, sur le plan géopolitique et géostratégique, vis-à-vis de la région des Grands Lacs, dans laquelle nous vivons, dans laquelle se situe le Burundi, en tant que victime qui a perdu son cher chef de l'État, et le Rwanda, en tant que pays dans lequel l'avion qui transportait notre cher président a été abattu, au regard du contexte géopolitique et géostratégique actuel, je peux dire que nous avons du pain sur la planche pour que cette vérité que nous recherchons soit connue, nonobstant la volonté de l'un ou l'autre pays, ou même la volonté des deux pays à la fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Deuha Kizimana, un dernier mot. Qu'est-ce que CIRID propose? Le CIRID propose d'abord qu'on ait une compréhension commune de la problématique. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire nous seuls? Sachant que la première responsabilité, le premier engagement, ça doit être pris par nous-mêmes, nous Burundais, qui avons perdu notre président. C'est très facile d'attribuer cette responsabilité au gouvernement, à l'État, etc. Mais c'est en revanche beaucoup plus citoyen, beaucoup plus civique de dire « moi, je ferai ce que je peux là où je suis ». Je dis maintenant ce que nous pouvons faire de manière très concrète. Vous savez, moi, j'ai travaillé à la CVR comme commissaire. Et à un moment donné, j'ai eu à m'occuper d'un dossier qui c'est des événements qui se sont déroulés à l'université en 1995. Ça nous a amené à analyser d'éventuelles complicités rwandaises dans ce qui s'est passé en 1995 à l'université du Burundi. Un comité technique a été créé. Moi, j'ai proposé qu'on aille enquêter à Kigali. Je me souviens qu'on m'a juste poliment répondu en disant non, non, non, non, non, alors que c'était notre mandat en tant que commissaire. Voilà, ça, vous allez dire que c'est l'État. Non, l'État, c'est aussi nous-mêmes. Nous devons être entreprenants, nous devons proposer des initiatives, partager les charges, et puis avec le but évidemment de parvenir au résultat ultime. Dans ce qui se passe donc maintenant, volonté oui, mais contribution citoyenne, c'est encore mieux. Qu'on se le cache ou qu'on se lance les pierres, la première responsabilité incombe au gouvernement burundais et rwandais. Ça, c'est clair. S'ils ont besoin d'un l'un ou l'autre citoyen, il peut contribuer dans ce qu'il peut. Mais la première responsabilité incombe aux deux gouvernements. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent assainir les relations. Tant que les relations resteront tendues, il ne faut même pas y penser. Mm-hmm. Deuxième chose, dans le même sens, s'il y a détente, s'il y a bonne relation, il y a collaboration. Et cela va permettre de s'asseoir ensemble pour résoudre de façon pérenne la situation politico-sécuritaire dans la sous-région. Mm-hmm. Et c'est ça qui va permettre un climat qui peut les amener à s'entendre sur le début des enquêtes. On a tendance à dire, la communauté internationale, les docteurs disent, elle travaille quand elle le veut. Qu'est-ce que vous pensez du contexte actuel? Justement, c'est ce que je disais, que la conjoncture actuelle ne permet pas que cette enquête soit menée. Merci. Parce que ce n'est même pas encore une fois question de la communauté internationale, c'est question du Rwanda et du Burundi et de la RDC. La communauté internationale vient en second lieu. Si nous avons besoin d'un appui matériel ou technique, la communauté internationale peut venir. Mais tant que le Rwanda et le Burundi ne sont pas d'accord, de commun accord, pour débuter les enquêtes, la communauté internationale s'en moque. Merci beaucoup, Tassien Sibomana. C'est sur ces appels et contributions que nous bouclons ce débat qui portait sur la commémoration du 31e anniversaire de l'assassinat du président Djamila. Un débat qui a vu la participation de Léonce Ngendakoumana, membre du parti Savanya Afodebou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de vous remercier, je viens de tirer une conclusion dans ce débat. Laquelle? L'assassinat, puisqu'on parlait de Cyprien Djamira. L'assassinat du président Djamira a été politique. La solution sera politique. Ne pas aller chercher dans ces schémas-là judiciaires. On n'aura pas de solution judiciaire. Si la solution politique est trouvée, toutes les autres voies seront ouvertes. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. J'ai beaucoup appris. Je remercie d'ailleurs mes collègues pour ça, qui ont donné beaucoup d'analyses, beaucoup d'informations. Et vraiment, ça c'est le premier débat auquel je participe et qui parle réellement de ce dossier. Sinon, on parlait de ces assurances-là. Des assurances. Des assurances. Mais je viens d'apprendre, franchement. Je remercie également nos auditeurs qui vont nous compléter. Oui, j'étais autour de ce plateau avec Tassien Sibomana, politicien et membre du parti UPRONA, c'est ça? Président de l'UPRONA de l'opposition. Ah, merci beaucoup. Il existe, que vous le voulez. Merci beaucoup, mon ami. Je remercie monsieur avec qui nous avons partagé l'émission. Je remercie aussi, comme je le disais au début, les auditeurs et les téléspectateurs de votre médium. François-Xavier Nsabimana, président du collectif des victimes et rescapés du génocide commis contre les Hutus burundais en 1972, avant et après, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, cher ami Evariste Nziko Banyanga. Je remercie également aux auditeurs et aux téléspectateurs de votre radio-télévision Isanganiro. Au beau plaisir de nous retrouver pour une autre invitation. Merci. J'étais aussi autour de ce plateau avec Deo Hakizimana, président du CERI, de le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Merci d'être venu dans Mosaïque. Oui, tout à fait. Et moi, je conclue comme mes collègues en disant que nous ne devons pas crucifier ceux qui ne veulent pas la vérité. Non, tout le monde veut la vérité, simplement. C'est l'approche qui diverge seulement. Parce que entre ceux qui prônent le maintien des mensonges et ceux qui veulent la vérité, il y a une chose qui nous unit, c'est que nous avons tous besoin de savoir. Et puis, vers la fin, il faut savoir que nous avons tous des responsabilités. En tant que citoyens d'abord. Et puis, en tant que bénéficiaire de cette vérité et de cette justice, nous devons nous engager chacun comme il peut. Merci beaucoup. La mise en onde était assurée par Alphonse Koubguimana, Jérôme Ndaïchimié et Yannick Rimezo. Médard Nyonguru était à la réalisation, à l'animation de ce débat. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Mosaïque.